R-I-G. Oh, la marché, c'est un contrôleur de Nexo. R-I-G 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Vous savez que John Lennon parlait de lui, que McCartney, ça lui arrive de parler de lui, et que moi, de temps en temps, je parle de moi. Alors je voudrais rassurer toutes les centaines de femmes qui étaient très inquiètes pour mon otite, parce que ça a démarré samedi, et je me disais, pour mercredi, c'est mort, je vais rien entendre, ça va être terrible. Eh ben ça va. Bah oui, bah, les médicaments, tout ça, et puis beaucoup d'amour, hein, voilà, ça va mieux. Bon, bref, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour la dernière émission de la 34e année. L'année prochaine, on démarrera la 35e saison de la saga des Fab Four. Aujourd'hui, pas d'album de la semaine pour cette saga numéro 381, mais un thème, les années 1970, au moment où les Beatles s'arrêtent. J'ai du mal à imaginer. Moi, je n'avais que 6 ans en 1970, mais rendez-vous compte qu'en 1970, il y a eu un album des Beatles, il y a eu deux albums de Ringo, il y a eu un triple album de George Harrison, il y a eu un album de John Lennon et un album de Paul McCartney. Je pense que les tirelires à cette époque-là, ça a dû être mortel. Mais quel bonheur, quel bonheur. Alors on va écouter tous une partie de ce qui se faisait, en tout cas dans les années 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et on s'arrêtera à 79 parce qu'après, lorsqu'on parle des années 70, si on arrive à 1980, on parle des années 80. Vous me suivez jusqu'à présent. Je vous invite à me retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis voilà, la saga commence. A tout de suite les amis. Bises aux filles et poignées aux garçons. C'est la tradition. Ça n'est pas lui le premier qui a sorti un disque en 1970, mais c'est lui qui clôt le rêve des Beatles. John Lennon sur Plastic Ono Band, cette chanson « God » dans laquelle il dit « Je ne crois plus aux Beatles ». God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. just believe in me. Terminé. En 1970, celui qu'on n'attendait pas, Ringo Starr, sort un album qui paraissait à l'époque, mais c'est n'importe quoi, ce sont des rockers, ils nous chantent des chansons des années 30, des années 40, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, plus de 40 ans après, là, maintenant, en 2018, ben moi je vous assure que cet album-là, je le trouve drôlement bien. Il n'avait que 30 ans quand il a sorti ça, et il prétend avoir sorti cet album pour faire plaisir à sa maman. Ben c'est bien de faire plaisir à sa maman. Voici la chanson éponyme, celle qui a donné son titre à l'album, à moins que, soit le contraire, l'album ait donné son nom à la chanson. Quoi qu'il en soit, voici Sentimental Journey sur RIG, Ringo Starr. Sentimental journey, gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting. That takes me back. Never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey. Sentimental. I said in seven. j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et si nous abordions les deux autres? On a écouté John Lennon, on a entendu Ringo Starr, il nous reste George Harrison et Paul McCartney. George Harrison, ça aurait été trop facile de vous proposer My Sweet Lord, mais je vous propose une excellente chanson, une chanson merveilleuse de son album All Things Must Pass, c'est Isn't It a Pity sur RIG. Shame, how we break. rendez-vous compte de la qualité de ce qui est sorti en 1970. À peine les Beatles terminés. George Harrison, qui pendant longtemps s'était plaint de ne pas avoir assez de place avec, pas avoir assez de place sur les albums des Beatles, eh bien, nous sort un triple album merveilleux, All Things Must Pass. Mais McCartney n'est pas en reste, puisque extrait de l'album McCartney, tout simplement, sorti en avril 1970. Quelle belle année et quel beau mois que 1970. Voici Every Night sur RIG. Every night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to lay out. Tonight I just want to stay in and be with you. And be with you. Wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day. And every night that day is through. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. You never knew, dear boy, what you would find. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you would found, dear boy. And I

il a fallu faire un choix. Les chansons sont vraiment très bonnes dans les années 70, donc en mettre une seule par album, ça a été dur. Nous avons évoqué les années 70, l'année 71, voici l'année 72 et 73 à venir. Il y en aura une seule pour 72, extrait de l'album Sometime in New York City de John Lennon, puis on abordera la grosse artillerie et avec 1973, il y aura du Lennon, du McCartney, du Harrison. C'est à venir, c'est sur RIG 90.7, c'est la dernière saga des Fab Four de la saison. Cette chanson, coécrite en 1973 avec George Harrison, au départ évidemment, parlait d'une relation amoureuse avec une femme. Et lorsque Ringo Starr a fait le concert pour George, en hommage à George, il a dit « Cette chanson, maintenant, a une autre signification pour moi et je ne pourrai plus jamais la chanter sans penser à George. » Et oui, on peut aussi le voir comme ça. Chaque fois que je revois ta photo, eh bien, ça me rappelle les endroits où nous étions, etc., etc. Ça marche aussi dans ces cas-là quand c'est une excellente, une très grande amitié. 1973, l'album Mind Games, John Lennon sur la RG. chanson de George Harrison en 1973 sur l'album Living in a Material World. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with Rory Gale. Le medley de Red Rose Speedway. Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love, Power Cuts. C'est du grand McCartney. I've waited all my life for you. Hold me tight. Take care of me and I'll be right. Hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. Hold me right. Hold me tight. Sweet.

remarqué que les chansons s'entremêlent, c'est le meilleur mot, à la fin, et c'est vraiment du génie, j'adore ça. Mais 1973, c'est aussi le chef-d'œuvre de Paul McCartney. L'album Band on the Run, dont voici un extrait, Jet, sous la régie. De mettre le son au maximum. Vous êtes bien sur RIG, c'est Thierry Gallet qui vous accompagne jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four. Essayer de caser tous les titres dans l'émission, il va falloir essayer d'accélérer. Trois titres, pour 1974. Dark Horse, de George Harrison. Number 9 Dream, de John Lennon. Et Ringo Starr, All By Myself. À suivre sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Looks like I've been breaking out. I'm a dark horse. on écoute les chansons des années 70 comme ça, on se dit, ça aurait peut-être fait bonne figure sur un album des Beatles s'ils étaient restés ensemble. On pourrait même se dire, s'ils étaient restés ensemble, l'effet magique des quatre composants des Beatles aurait fait peut-être que ces chansons auraient été encore meilleures. Et contentons-nous de cela, c'est déjà très très bien de pouvoir écouter nos quatre Fabulous Four. Dans les années 70, voici un autre titre, All By Myself, tout seul, Ringo Starr en 1974. Ensuite, on passera à 1975 et Paul McCartney. I looked out my window and watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. Well, don't you know I'm bound? I'm bound to pick up the pieces and watch them land. Starting all over again. I just started smiling. I'm making myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling. I just can't hide. Yeah. of tea, and I love you, and you seem to like, you seem to like, you seem to like me. Avec George Harrison et The Answers at the End sur l'album Extra Texture. Puis nous passerons en 1976 et cette superbe chanson Beautiful Girl, vous me permettrez de dédicacer à Alexandra. Read on. chanson est pour toi. Beautiful Girl, 1976, George Harrison. Quelqu'un sonne, on va aller ouvrir. Faites-les rentrer, let them in. Paul McCartney sur RG. Sur RG 90.7, c'est la dernière émission de la saga des Fab Four. Attention, on fait une pause de 2 mois et on reviendra en septembre pour la joie et le bonheur de tout le monde, j'espère. Voici Ringo Starr, A Dose of Rock and Roll, sur l'album Rotogravure en 76. You do know that you care, but you don't know what to do. Me.

Eric, puisque dans quelques minutes, et oui, ça passe très très vite, il y aura Eric et son fabuleux Johnny de A à Z. En 1978, McCartney essaie pour la première fois de mettre les synthés en premier. Et il en fait un tube, With a Little Luck, sur l'album London Town. Montez le son, c'est du très très très haut de gamme. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little love, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end to what we can do together. There is no end. dernière année de cette saga thématique, 1979, l'album George Harrison, de George Harrison, est un excellent album, et je vous propose ce titre, et qui vous concerne, Your Love is Forever, sur la Régie. Ne pas passer une chanson de Back to the Egg. Voici Arrow Through Me, Paul McCartney sur RG. I knew terminer. J'ai été très content de vous voir, très content que vous puissiez venir. Et du coup, je vous dis... So glad to see you here, avec la permission d'Eric. Pour toutes ces années de présence sur Facebook et j'espère qu'on continuera encore pendant des années et des années. On s'arrête pour cette 34e année, on prend 2 mois de repos et on se retrouve l'année prochaine, enfin la saison prochaine au mois de septembre. J'ai dit combien ? 5 septembre. Oui, 5 septembre, oui, oui. Et je voulais dire aussi quelque chose de particulier. Eric est mon ami depuis plus de 17 ans et je le remercie aussi d'être à mes côtés parce que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, c'est un mec extraordinaire et je voulais cette fois-ci juste, sans plaisanter, lui avouer que j'adore ce mec-là, il est formidable. Salut, à très bientôt, salut. Merci Thierry pour ta déclaration également. Et puis, vous savez, s'il me dit ça, c'est qu'il il a lâché l'antenne à 22h07. C'est pour ça. C'est surtout pour ça. C'est pour se faire pardonner. Et bien, à mon tour aussi de dire deux, trois petits mots. Mais merci Thierry aussi. En même temps, Thierry, vous connaissez la radio, mais il est pareil dans la vie courante. Voilà. C'est le même. Toujours aussi gentil, toujours aussi souriant. Et puis, toujours aussi rigolo également. Et ça fait 17 ans de. Ben, c'est, voilà, ça fait 17 ans qu'on se connaît et vraiment je m'en lasse pas.